Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 28 septembre 2018. Voici les grands titres de cette édition. Le gouvernement, à travers le Conseil national de sécurité, vient de suspendre toute activité de certaines entreprises et coopératives opérant dans le secteur minier pour une durée d'un mois. Vous aurez les détails dans un communiqué lu par le secrétaire permanent du dit conseil, Silas Nigurigua, qui a également annoncé dans ce communiqué de la suspension temporaire des ONG étrangères, sans plus de précision. Alors que le porte-parole du président de la République a annoncé dans l'émission publique des porte-paroles des institutions publiques ce vendredi que ces ONG suspendues pour 3 mois se reconnaissent pour avoir reçu des mises en garde. Confusion sur un couvre-feu à Guihanga depuis bientôt 2 mois. La population décrit cette situation et la façon de la mise en application de ce couvre-feu avec des amendes jugées illégales par ses habitants de Guihanga. Et la famille d'un certain Louis Twarazaniwe déplore la poursuite des constructions sur une parcelle faisant objet de litige. Là, nous sommes en zone Rukaramo de la commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura. Également dans l'actualité, comme tous les vendredis, c'est la chronique environnement. Nous parlerons de la problématique de la viabilisation des quartiers de la mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Le 5e round du dialogue interburundais se tiendra à Arusha, en Tanzanie, au mois d'octobre prochain. C'est une annonce faite par le porte-parole du facilitateur Uliam Benjamin Mkapa. Makocha Tembele a indiqué néanmoins que la date exacte et d'autres informations nécessaires en rapport avec ce dialogue seront fournies ultérieurement, car selon lui, les préparatifs vont bon train. Et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution qui proroge d'une année le délai de la commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le projet de cette résolution a été présenté par l'Union européenne qui a réaffirmé qu'il persiste des actes de violation des droits de l'homme au Burundi. Le représentant du Burundi dans ce conseil a fustigé ces propos de l'Union européenne. Ce projet a été voté par 23 pays, 7 se sont opposés et 17 se sont abstenus. Le ministre des droits de l'homme, Martin Isiabandi, a promis qu'il va s'exprimer la semaine prochaine sur le sujet. Pour rappel, ces experts des Nations Unies ont déclaré persona non grata, ont été déclarés persona non grata par le ministère des Relations extérieures. Je venais de vous le dire, le Conseil national de sécurité suspend toute activité de certaines entreprises et coopératives opérant dans le secteur minier pour une durée d'un mois. Dans un communiqué lu ce jeudi par le secrétaire permanent du dit conseil, le général-major Silas Nigurigua a précisé que la recommandation de réhabilitation de la station des eaux usées de Buterere n'a pas été exécutée dans les délais. Suivez. Le Conseil national de sécurité constate que la plupart des entreprises et coopératives qui exploitent et vendent les minerais se livrent à la fraude de ces minerais en violation de la loi en vigueur. Pour ce faire, le Conseil national de sécurité prend la décision de suspendre toute activité de ces dernières pour une durée d'un mois à partir du 1er octobre 2018 en vue de remettre l'ordre et la conformité à la loi dans ce secteur. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines de suivre scrupuleusement cette mesure. De plus, le Conseil demande à la police, l'administration et tout service habilité d'y apporter leur concours pour l'exécution effective de cette mesure. Concernant la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de Buterere, le Conseil national de sécurité a constaté que la recommandation antérieure n'a pas été exécutée dans les délais. Par voie de conséquence, le Conseil national de sécurité a décidé de responsabiliser le cabinet de la deuxième vice-présidence et le ministère des Finances pour que le dit bassin soit fonctionnel dans les plus brefs délais. Le général-major Silas Nigurigua a dans ce communiqué, parlé de la suspension temporaire des ONG étrangères, sans plus de précision, pendant une période de 3 mois à partir de lundi 1er octobre. Suivez-le encore une fois. Après avoir analysé le fonctionnement des ONG et VRA dans notre pays, le Conseil national de sécurité a constaté que la plupart d'entre elles ne se conforment ni à la loi ni aux textes qui les régissent. Sur ce, le Conseil national de sécurité décide la suspension temporaire de toutes les activités de ces ONG pendant une période de 3 mois à dater du 1er octobre 2018. Pour permettre aux institutions en charge de ces dernières de vérifier leur conformité avec la loi et le règlement en vigueur. Le redémarrage de leurs activités sera conditionné par la conformité à la nouvelle loi qui régit les ONG au Burundi. C'était le général-major Silas Nigurigwa et ces sons, nous les devons à nos confrères de la Radio Nationale. Les ONG suspendues pour 3 mois se reconnaissent pour avoir reçu des mises en garde, selon le porte-parole du président de la République. Même s'ils ne dévoilent pas les noms de ces organisations, Jean-Claude Karegwa Ndenzako affirme que la décision a été prise pour l'intérêt du pays. Dans l'émission publique des porte-parole des institutions publiques ce vendredi, il a rassuré cependant que cette décision n'est pas liée aux relations que le Burundi entretient avec les pays d'où proviennent ces organisations. Suivez-le, il est traduit en français par Elie Nibel Nibigira. Avec la mesure prise, c'est une mesure de mise en garde pour certaines organisations non gouvernementales qui n'ont pas encore mis en application les lois qui les régissent. Ici, d'abord, je voudrais informer. Le Conseil national de sécurité œuvre pour l'intérêt du pays. Avant de prendre une décision, il se rassure que la décision n'entraîne aucun impact négatif. Il y a beaucoup de bonnes décisions prises dans le passé. Donc, cette décision ne tombe pas du ciel. Ces organisations sont au courant de la décision. Ces organisations, je ne vais pas les énumérer, ce n'est pas nécessaire. Je donnerai l'exemple d'une organisation qui œuvrait en province Ngozi. On lui a demandé ses réalisations après 3 ans. On a finalement trouvé qu'il a distribué 3 poules. Vous vous rendrez compte qu'une ONG qui passe 3 ans et qui ne donne que 3 poules, c'est ce que dit souvent le président de la République. Débarrasse-toi de celui qui n'arrive pas à te soutenir suffisamment. On est contre toute aide contraire aux droits de l'homme et la culture immerse des Burundais. Il y a parmi ces organisations, je ne dévoile pas leur nom, qui organisent des enseignements pour les Burundais, surtout les jeunes, de pratiquer l'homosexualité. C'est contraire à la culture, aux bonnes mœurs et à la loi. Ces organisations devraient saluer cette décision, car 3 mois suffisent. La plupart d'entre elles proviennent des pays qui les envoient pour des projets spécifiques. Il y a des organisations utilisées dans la vente des armes. Elles provoquent des guerres dans les pays afin d'avoir les marchés. Il y a celles qui provoquent des maladies épidémiques afin d'avoir les marchés pour les médicaments. Nous espérons que, dans 3 mois, elles se seront conformées aux lois. Et je sais très bien qu'aucune organisation parmi les concernées ne gardera rancune, car les en sont au courant. C'était le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa Ndenzako, précisant que ces organisations, pour ce qui est de ces organisations non gouvernementales, une réunion est prévue lundi prochain entre le ministère de l'Intérieur et ces organisations internationales. C'est ce qui est contenu dans une invitation que Deo Ruberinwari, secrétaire permanent de ce ministère, a envoyée aux responsables de ces ONG ce vendredi. Confusion sur un couvre-feu à Gihanga depuis bientôt 2 mois. La population décrit ce couvre-feu et la façon de sa mise en application avec une amende jugée illégale par les mêmes habitants de Gihanga. L'administration provinciale, à son tour, explique qu'il n'y a pas de couvre-feu, mais que c'est une simple mesure prise pour sauvegarder la paix et la sécurité, demandant aux habitants de cette localité de rentrer chez eux avant 20h. Space Caritas Kavanyana. Les habitants de Gihanga décrivent la mesure instaurant ce qu'ils appellent le couvre-feu et la façon dont elle est mise en application. Ceux qui sont attrapés en cours de route ou au bistrot au-delà de 20 heures sont quelquefois battus et conduits au cachot, puis relâchés après avoir payé une amende variant entre 10 000 et 50 000 francs burundais. 2 personnes attrapées la semaine dernière au quartier Lagaza à Gihanga à 20h30 ont été conduites au cachot, puis relâchées le lendemain. L'une a payé une amende de 20 000 francs, l'autre a payé 50 000 francs. Elle demande que des sanctions pareilles soient conformes à la loi. Les inquiétudes de ces habitants de Gihanga sont les mêmes que chez Honorable Fabien Bantigani, non parlementaire, élu dans la coalition Ami Zéro Yabarundi dans cette province. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mardi à Bubanza, ce parlementaire a soulevé la question concernant le couvre-feu à Gihanga, des gens qui sont souvent battus, accusés de violer cette mesure, ainsi que l'amende taxée, qui n'est pas claire selon Fabien Bantigani. La réponse que le gouverneur de Bubanza a donnée est qu'il n'y a pas de couvre-feu à Gihanga. Seulement, il s'agit d'une mesure de sécurité prise pour les habitants de cette localité limitrophe à la réserve naturelle de la Loukoko, selon Terence Nobis Butoyi, gouverneur de Bubanza. La population doit donc rentrer tôt pour faciliter le travail des forces de l'ordre, selon le gouverneur de cette province. Pour ceux qui disent être battus, quand ils sont attrapés, ils sont appelés à informer les autorités afin que ceux qui commettent ces forfaits soient sanctionnés conformément à la loi, selon Terence Nobis Butoyi. Concernant l'amende taxée à ceux qui sont attrapés au-delà de 20 heures, l'administrateur de Gihanga indique que l'amende connue par la commune ne dépasse pas 10 000 francs burundais. À titre de rappel, la mesure de couvre-feu a été instaurée à Gihanga il y a à peu près 2 mois. C'est au moment où des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés ont lancé une grenade chez l'administrateur de cette commune de Gihanga. Spécialitas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. La famille d'un certain Louis Kwara Zaniwe déplore la poursuite des constructions sur une parcelle faisant objet de litige. Cette parcelle se situe dans la zone Rukaramo de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. Les descendants de Louis Kwara Zaniwe affirment que cette parcelle est bien une propriété familiale et qu'ils n'ont jamais été indemnisés. Ce jeudi, cette famille a fait un sit-in sur cette parcelle pour demander l'arrêt des constructions en cours. Aubin Niyonkuru. Cette parcelle en conflit se situe sur la colline Kinyinya, en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Elle a une superficie de plus ou moins 2 hectares. Il y a des gens qui ont commencé à y ériger des constructions. On leur a informé qu'on n'a pas été indemnisé. La partie qui a été indemnisée se situe à la rivière Mutimbuzi. Elle est limitée par la concession Bossaser en passant par la route nationale numéro 4. Les familles des héritiers d'un certain Louis Kwara Zaniwe s'estiment lésées vu que cette parcelle a été attribuée à d'autres acquéreurs à leur insu et sans indemnisation. Cette famille affirme s'être procurée de certains documents de ces nouveaux acquéreurs. Ces documents mentionneraient que cette parcelle litigieuse est située à une autre localité différente de celle où elle est réellement située. Ces documents qu'ils détiennent indiquent que cette parcelle est située au quartier Kajaga Ngagara ou au quartier Kajaga Nahangwa. Comment se sont-ils procurés de ces documents? On ne comprend rien. C'est de l'injustice. Nous demandons au chef de l'État d'intervenir. Ce mercredi, 5 membres de cette famille ont été momentanément arrêtés puis relâchés à cause de ce conflit foncier. Le conseil communal de Mutimbuzi se dit préoccupé de cette question. Le vice-président de ce conseil déclare avoir recommandé la suspension de construction. On a pu faire des investigations qui sont un peu larges sur cette question, surtout sur ce terrain-là de 2 hectares et demi. Alors, on a essayé d'étudier au niveau du conseil communal. Et le conseil, c'est juste qu'on attend les commissions ou les services qui sont en compétence de faire l'analyse des questions différentes. D'après l'analyse sur les différentes listes des personnes qui ont été indemnisées, on a trouvé que le nom de Kwara Zaniwe Louis n'est pris dans la liste d'expropriés de Kajak. Emmanuel Matata, c'est le vice-président du conseil communal de Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Le Centre national de technologie alimentaire appelle les unités de fabrication qui ont des produits à mettre sur le marché à s'approcher de lui, à l'approcher en vue d'acquérir des connaissances et ainsi vendre des produits de qualité. Toutefois, selon le directeur du centre, Severin Sindai Kengera, la certification est donnée par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, BBN en sigle, Au sein du CNTA, l'on déplore que des vendeurs de produits non certifiés n'en manquent pas. Séverin Sindaï-Kengera se réjouit toutefois que pas mal d'unités de transformation se sont confiées à ce centre avant la vente de leurs produits. Suivez-le au micro de Léonce Vitalio. Des unités de transformation presque éparpillées dans tout le pays apprennent ces techniques de transformation ici chez nous. Ils viennent pour la formation et ils viennent apprendre ici. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez en collaboration avec BBN? Oui, nous collaborons avec le BBN dans la mesure où nous avons eu la chance d'être équipés. Nous avons deux laboratoires de biochimie et de microbiologie pour l'analyse des aliments. Et ces laboratoires sont très bien équipés. On fait les analyse des aliments et nous dressons des bulletins d'analyse. Et ce sont ces bulletins d'analyse que le BBN utilise pour les aliments parce que c'est le BBN qui a le droit de donner la certification des produits pour que cela puisse être au marché. Mais il pourrait alors y avoir des unités de transformation qui ne passent ni par vous, ni par le BBN. C'est vrai ce que vous dites, c'est ce qu'on remarque. Il y a des unités, surtout des unités de fabrication de jus. Je ne sais pas si c'est par mes connaissances ou quoi. Et là, je pense que la meilleure façon est de les conscientiser pour savoir l'importance du contrôle de la qualité des produits alimentaires. Et sinon, ils peuvent nuire à la santé des consommateurs. Sinon, quelle serait la valeur ajouté par rapport à ce que vous faites au CNTA? La population burundaise tire grand profit à notre centre parce que vous voyez que maintenant la production des produits alimentaires est en hausse. Et de cette manière, je pense que la majorité de ces produits alimentaires sont facilement périssables. Il faut les conserver. Et c'est ce que nous faisons. Et nous faisons la recherche sur ces techniques de transformation, de conservation des aliments. Et nous les donnons à la population pour les utiliser. Et de cette manière, on peut éviter les pertes post-récoltes. Et nous espérons que d'ici peu, ces problèmes seront résolus. Merci beaucoup. Et les vendeurs ambulants d'olives en mairie de Bujumbura affirment qu'ils les obtiennent par des voies légales. Ils demandent au gouvernement de mener des enquêtes pour déterminer comment ces documents se retrouvent dans la main des commerçants au lieu de s'en prendre à ces derniers qui considèrent qu'ils sont innocents. Cette réaction intervient après la recommandation du Conseil des ministres de décourager ce commerce en dehors des endroits reconnus. Processus Shingiro, reportage. Certains vendeurs de livres disent qu'ils achètent ces livres à la régie des productions pédagogiques RPP en sigle. Pour eux, la recommandation du Conseil des ministres aurait des conséquences fâcheuses sur leur famille. Les livres que nous vendons, nous les achetons à la régie des productions pédagogiques. Nous en avons le droit parce que nous avons même les factures. Nous travaillons également dans un lieu connu par la loi parce que nous payons même les taxes à la mairie. Nous pensons que si on met en application cette recommandation, ça serait un problème parce qu'on risque de se retrouver dans une situation de pauvreté. On manquerait le minéral de nos enfants et ainsi que la ration quotidienne. Dans certains livres de cet autre vendeur, nous avons constaté que l'un des livres qu'il vendait contenait le cachet d'une école. Toutefois, il affirme que les livres vendus n'ont pas été volés. Nous ne vendons pas les livres qui appartiennent aux écoles. Ce livre que tu vois, qui contient un cachet, ce n'est pas un livre de l'élève, c'est un roman. Nous, la majorité des livres que nous vendons, nous les imprimons dans les différentes imprimeries. Tu peux même aller à l'école et demander un livre à un élève et tu l'amènes à l'imprimerie et on l'imprime. C'est au moment où le Conseil des ministres qui s'est réuni le 19 septembre 2018 a demandé au ministre en charge du commerce, de la sécurité publique et de la justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour décourager le commerce des livres scolaires qui se retrouvent sur le marché. Radio Isanganiro, chronique environnement. Certains quartiers de la ville de Bujumbura ont été viabilisés. Pour d'autres, la viabilisation a été pensée ou a été faite après des constructions. C'est comme dans le quartier Guiocha rural. Selon le porte-parole de l'action Ceinture Verte, Jacques Ngengurutse, les conséquences sont énormes pour l'homme et pour l'environnement si ces quartiers ne sont pas viabilisés. Pour cet enseignant d'université, il revient au service d'urbanisme de prendre des mesures qui s'imposent. Christella Nizigama. La ville de Bujumbura est localisée dans une plaine surplombée par des montagnes. Lorsque la pluie tombe, l'eau descend dans la ville avec une force destructrice. Selon le porte-parole de la CVE, professeur Jacques Ngengurutse, dans certains quartiers, la construction est pensée avant la viabilisation. Le problème, c'est qu'il y a des quartiers de la mairie de Bujumbura où la viabilisation est pensée après avoir construit. On devrait coupler en même temps le nombre de personnes et la superficie qui sera imperméabilisée. Ça veut dire il n'y aura plus de sol qui peut absorber de l'eau et du coup toute l'eau, il y aura la nécessité qu'elle soit évacuée et donc elle devient davantage abondante. Mais il y a d'autres aspects que quand on pense à construire avant la viabilisation par les organes habilités, il y a le problème que les gens pensent qu'on aura besoin de là où passer la route, là où passer, mais on ne pense pas qu'on aura besoin de faire passer le courant électrique, de faire passer de l'eau. Selon son professeur d'université, la planification n'a pas été pensée d'avance, même si le plan de l'agrandissement de la ville de Bujumbura a été mis en place. Il n'y a pas de changement. Les gens continuent à construire sans viabilisation dans certains quartiers. Des exemples de quartiers, on peut voir par exemple le quartier Buterere. Dans les quartiers de Buterere, on peut voir en amont de Mutanga Nord, qu'on appelle Gihosha Rural, où on trouve que les gens ont dévancé en construisant des maisons avant la viabilisation et on trouve que parfois il est difficile de pouvoir y passer en véhicule. On devra y penser si on pense qu'on devrait vivre de façon moderne et avec des infrastructures qui nous évitent des risques de catastrophe. Pour ces quartiers qui ont devancé la viabilisation, Jacques Ngengurutse propose des solutions individuelles comme la construction des puisards afin de diminuer la force de l'eau des pluies. Il y a ce qu'on appelle les puisards. Les puisards sont des petits puits perdus, les trous qu'on aménage où on met des pierres, des moellons. Alors finalement, quand l'eau vient dans les ménages, à l'intérieur de la parcelle, par exemple, on pourrait faire un mètre de profondeur avec un demi-mètre de large ou un demi-mètre de profondeur. Si vous en faites 3 ou 4 à l'intérieur de votre parcelle, en général, il n'y aura pas d'eau qui va se déverser au-delà de votre parcelle et vous contribuez à la durabilité de l'aménagement en attendant la viabilisation. Il revient à la direction de l'urbanisme de penser à la viabilisation avant de construire des maisons. Et pour les quartiers déjà construits sans viabilisation, de prendre des mesures afin de protéger la population mais aussi l'environnement. Il revient à la direction de l'urbanisme ou les services chargés de la gestion de l'urbanisme dans la mairie de Bujumbura ou même dans tout le pays, de prendre les décisions qui s'imposent. Là où on n'a pas encore construit, en fait, on devrait dire voilà, on ne peut plus construire avant d'aménager le quartier. Là où c'est déjà construit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si c'est nécessaire de bouger une clôture d'une personne pour qu'on ait une plus grande canalisation pour évacuer de l'eau, je pense que l'intérêt commun devrait primer sur l'intérêt individuel. Au fur et à mesure que la ville de Bujumbura s'agrandisse, le ruissellement de l'eau des pluies est faible suite aux constructions anarchique. Jacques Ngengurutse, professeur d'université, trouve que cette question serait traitée dans l'urgence. Christella Nizigama, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Benoît Morichonzi. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.